Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Machu Picchu, la cité secrète des Incas et sa redécouverte en 1911. Cette cité qui était la cité secrète des Incas, c'est-à-dire la cité des filles du soleil, des vierges du soleil. Imaginez-vous des bulldozers lâchés là-dedans, pour amener l'eau, pour amener l'électricité, pour creuser des trous, etc. Et imaginez-vous cette espèce de chose, c'est comme si on construisait un motel au milieu de l'acropole ou au pied du mur d'élémentation. Vous voyez, c'est aussi à peu près aussi appétissant que ça. Le musicien Franck Dervieux, à l'émission Format 30 en 1972, qui s'insurge contre cette idée de construire un hôtel moderne sur le site de Machu Picchu, un projet qui sera finalement abandonné. Machu Picchu est l'un des sites archéologiques les plus célèbres et les plus visités au monde. Cette cité Inca a été construite au 15e siècle avant de tomber dans l'oubli jusqu'à ce que l'Américain Hiram Bingham la redécouvre et la fasse connaître au monde au début du 20e siècle. Machu Picchu a été construit vers 1450 sur les ordres de Pachacutec, le fondateur de l'Empire Inca. Perché sur une crête rocheuse, le site était difficile d'accès. Un lieu idéal pour que l'empereur en fasse son quartier général. Il fut aussi choisi pour son pain de sucre caractéristique, censé rappeler le soleil, le dieu le plus important de la mythologie des Incas. Extrait de l'émission Découverte du 11 septembre 2001, émission au cours de laquelle l'animateur Charles Tisser souligne le centenaire de la redécouverte scientifique de Machu Picchu par Hiram Bingham en 1911. Pour nous parler de ce site exceptionnel, de son histoire également, Évelyne Ferron, historienne, spécialiste en histoire ancienne. Évelyne Ferron, bonjour. Bonjour. Évelyne Ferron, c'est un site très visité, c'est un site très important, culturellement, historiquement. Pourquoi? Parce qu'il est unique au monde. On n'a presque pas de vestiges des Incas, ça, il faut le dire. On a beaucoup de vestiges des Mayas, des Aztèques, mais les Incas, malheureusement, ont vu, lors de la conquête espagnole dans les années 1530, voir leur site être presque éradiqué, rasé systématiquement par les Espagnols. Donc, leur objectif, c'était de piller l'or, piller l'argent, mais de s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de rébellion contre le pouvoir espagnol. Donc, on prenait une ville et on la rasait. Alors, qu'est-ce qui rend le Machu Picchu si exceptionnel à cet égard-là? C'est que c'est le seul site Inca encore debout que les Espagnols n'ont jamais vu. Qui leur a échappé, il leur a complètement échappé. Il est à 2430 mètres et plus de hauteur, donc il leur a vraiment échappé. Et c'est le seul site qui nous permet vraiment d'avoir une idée du quotidien des Incas, comment ils travaillaient du point de vue de l'architecture, parce que comme les Espagnols ont rasé la plupart des anciens sites, à part les tombeaux, on n'a pas une si bonne idée que ça de leur technique de construction, de comment ils s'y prenaient pour l'agriculture, etc. Donc Machu Picchu est un laboratoire unique pour pouvoir étudier l'Empire Inca à cet égard. Alors, présentez-nous-le, le site. Moi, je n'y suis malheureusement encore jamais allé. Probablement que c'est le cas d'une grande majorité de nos auditeurs. À quoi on fait face quand on se retrouve devant ce site? Bon, on fait face à une montagne. Alors, c'est l'objectif. Les Incas vénéraient, oui, le soleil, le dieu soleil qu'ils appelaient Inti. Mais il ne faut pas oublier que la montagne était probablement une divinité tout aussi importante pour les Incas que le soleil. Alors, le site du Machu Picchu, qui en quechua veut dire d'ailleurs la vieille montagne, est un site qui est situé à 2430 mètres et plus de hauteur, parce que c'est pas égal. Là, c'est une crête, en fait. On est à peu près à 5 jours de marche de Cusco à pied. Mais c'est sûr que les Incas ont été des champions des réseaux routiers. Donc, ils ont aménagé quand même des sentiers assez importants pour pouvoir atteindre le site. Des sentiers en lacets là, pour gravir la montagne. Et réussir à apporter les pierres quand même qui étaient dans une carrière de granit qui n'est pas très, très loin. Alors, on fait face, en fait, à un site qui n'est pas plat, qui n'est pas égal, qui est vraiment perché en haut d'une montagne à 2430 mètres de hauteur, qui est donc fait exclusivement de pierres. Alors, c'est vraiment des structures de granit. C'est sûr qu'il y a quand même aussi de la végétation et tout ça, parce que c'était, Charles Tisser le dit, ça fait pas si longtemps que ça qu'on sait que c'était maintenant un refuge ou plutôt une espèce de résidence d'été pour l'empereur Pachacutec et la noblesse de l'époque. Alors, c'est des résidences qu'on voit aussi sur le site du Machu Picchu. Oui, il y a 3 temples, dont celui avec les 3 fenêtres qui est peut-être un peu l'emblème du site. Cette espèce de grande pierre debout aussi qu'on voit très, très bien, qui est sur le point le plus haut, qui rappelle donc cette idée de vénérer la montagne. montagne comme une divinité. C'est un peu ça que ça rappelle aussi. Mais c'est essentiellement, on pourrait dire, un lieu de vacances, le Machu Picchu. Alors, il y a des résidences, il y a des anciens jardins, il y a des anciennes fontaines. Tout ça au flanc, donc, de ce piton rocheux. Oui, sur une crête. Et tout ça est en terrasse aussi, construit en terrasse. Oui. Hein, c'est ça le principe. C'est le principe parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, Maya ou Inca faisaient face à des situations du point de vue de l'eau. Il y a un défi hydraulique, en fait, pour ces civilisations-là. Quand on parle surtout de la cordillère des Andes, c'est qu'il peut pleuvoir énormément. Il peut y avoir jusqu'à plus de 2000 mm de pluie par année, ce qui est quand même beaucoup. On n'a pas ça dans certains États américains. Et il fallait s'assurer de garder cette eau-là parce qu'on a besoin d'eau pour se baigner, pour manger, pour se nourrir. Et c'est sûr que même s'il y a une source pas très loin, il fallait trouver un moyen d'amener l'eau. Mais il fallait aussi réussir à cultiver de la nourriture. Et pour la noblesse Inca, le maïs est en tête de liste des produits qu'on consommait le plus. Alors, pour réussir à ne pas inonder le maïs, pour réussir aussi à ne pas avoir des mares d'eau stagnante, eh bien, on a construit effectivement le site du Machu Picchu avec des systèmes de terrasses qui permettent d'accumuler l'eau, mais aussi de l'évacuer lorsque nécessaire. Et ça permettait donc d'avoir des cultures qui allaient chercher la chaleur du soleil, mais qui ne manquaient pas d'eau, même si on était dans une période plus sèche. L'eau accumulée des grandes pluies pouvait être conservée comme ça avec ce système-là. Quand et dans quel contexte, au fond, 15e siècle, mais dans quel contexte les Incas décident de construire cette cité? On s'est posé la question pendant très longtemps. On sait maintenant que les Incas sont un peu l'amalgame de plusieurs petites populations, une mosaïque de peuples, en fait, qu'il y avait dans la cordillère des Andes, même si leur origine à eux est vraiment le Pérou, même le secteur de Cusco actuel, qui devient la capitale de l'Empire Inca. Donc, dans les années 1400, cette population-là va commencer à conquérir ses voisins. On va aller chercher plein de petites peuplades un petit peu partout et on va commencer à constituer un empire et on va construire des villes qui vont montrer que l'empereur est là et qu'il surveille, parce qu'il faut aussi qu'on montre, comme dans toute civilisation, surtout les civilisations antiques, je pourrais parler des Assyriens, des Mésopotamiens en général, qui avaient un peu cette stratégie-là. Le but, c'est de montrer, regardez comment on est puissant, on est là pour vous protéger, mais essayez de vous rebeller, essayez de renverser la vapeur depuis qu'on vous a conquis et vous allez avoir de la difficulté. Donc, il y a une certaine forme, en fait, une volonté d'être impressionnant pour les populations locales lors de ces conquêtes-là. Alors, les Incas deviennent un peuple guerrier, oui, mais aussi un peuple qui va réussir à faire sa richesse, constituer cet empire. On met l'empire sur à peu près 1450-1500 532, c'est un siècle seulement, mais ils vont conquérir à peu près l'équivalent de 3800 km dans la cordillère des Andes et ils vont réussir à garder leur domination sur ce territoire-là jusqu'à l'arrivée des Espagnols. Et donc, à l'origine, l'objectif, c'est de faire des cités. Cusco est vraiment la capitale qui était, on s'en doute, très, très belle. C'est sûr qu'il y a peu de vestiges, malheureusement, des Incas sur le site. Et le Machu Picchu en hauteur comme ça, pour les gens qui voulaient peut-être voir l'empereur ou voir la puissance de l'empereur, ça devait être un site, lorsqu'il était en état, complètement impressionnant. Donc, il y a une volonté vraiment là, d'asseoir un peu son pouvoir, de montrer la puissance d'empereur. Mais ce pouvoir, il est assis, cette grandeur de l'empereur dans cette espèce de résidence de cité d'été, on le rappelle, tout ça se situe à plus de 2400 mètres d'altitude. Comment, à l'époque, fin du 15e siècle, on peut réussir à construire ça, Evelyne Ferron? C'est une prouesse. Comme les Égyptiens l'ont fait aussi. Il faut dire que les Incas, même s'ils étaient bons en métallurgie avec l'or et l'argent, ne maîtrisaient pas le fer, ne possédaient pas le fer. Alors, ça a été fait avec des outils en pierre. Alors ça rend ça encore plus exceptionnel. Mais il y a vraiment un parallèle qu'on peut faire quand même avec l'époque des pyramides d'Égypte, qui, elles, sont quand même plus au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, OK, si c'est la montagne, c'est le point le plus haut, c'est là qu'on va pouvoir vénérer le dieu des montagnes. Quand l'empereur Pachacutec, qui est vraiment le premier empereur qui a consolidé cet empire, qui est l'Empire Inca, veut en faire un peu sa résidence, mais veut en faire probablement une cité qui va impressionner, ben là, les ingénieurs ont dû se retrouver avec une tâche assez monumentale. Et ce qu'ils ont compris, c'est qu'il fallait qu'ils partent de la base de la montagne, qu'ils la solidifient avant d'aller construire en hauteur. Et ça, c'est ce que les fouilles archéologiques les plus récentes ont révélé. C'est qu'ils vont creuser la montagne pour justement y installer des arches, des terrasses, des canaux, parce que le défi du Machu Picchu, c'est la pluie. Ouais. Alors, quand il pleut beaucoup, c'est sûr que ça crée de l'érosion. Si on est pour construire une cité magnifique au sommet, la crainte est qu'à un moment donné, il y ait des éboulements et qu'une partie de tout le travail qu'on a fait s'effondre. Alors, il fallait vraiment partir de la base. Alors, on va travailler, on voit 30 % du site. Le 70 % il est dans la montagne, en fait. Incroyable. Et ça, c'est encore sous fouille archéologique. Et il y a une partie du site qui est peut-être sous l'eau aussi. Donc, il y a des fouilles d'une équipe polonaise, en fait, de l'Université de Varsovie, qui sont en cours présentement pour essayer de voir aussi si on ne trouverait pas des vestiges de la construction sous l'eau et autre chose aussi. Donc, peut-être des traces de rituels sacrificiels aussi. Mais donc, ils vont stabiliser la montagne avec du granit parce qu'il y a une carrière de granit près. C'est peut-être aussi une raison pour le choix du site. C'est qu'on n'avait pas à aller chercher le granit très, très loin pour le faire. C'est une pierre qui est quand même très dure, très lourde aussi, mais qui se polit bien pierre sur pierre. Et ça, c'est ce qui fait que la maçonnerie du site du Machu Picchu est d'une perfection et qui fait que ça résiste encore, c'est qu'on était capable de venir polir tous les joints avec des toutes petites roches et les imbriquer les unes sur les autres et on n'avait pas besoin de maçonnerie. Donc, la montagne a été stabilisée comme ça avec le granit, avec des terrasses pour ne pas qu'elle bouge et pour absorber une partie de l'eau avec des canaux qui évacuent les pluies des moussons. Ces ruines sont le témoin d'une civilisation indienne détruite par les conquistadors espagnols au XVIe siècle. L'Empire Inca couvrait alors l'Équateur, le Pérou, la Bolivie et la moitié du Chili actuel. Une hiérarchie très stricte, une organisation méticuleuse qui donnait à chacun son rôle dans la communauté, voilà l'originalité des Incas, planificateurs avant la lettre. Nobles, paysans, artisans, tous avaient un travail très précis de l'enfance à la mort sous la direction d'un chef d'îlot. Les Incas ne connaissaient pas l'écriture et n'ont laissé, témoin de leur puissance, que ces murs de granit. Judith Jasmin à l'émission « Champ libre » en 1964. Judith Jasmin qui, dans cet extrait-là, parle de l'organisation sociale de cette civilisation Inca. Qu'est-ce que ça nous apprend, Machu Picchu, Evelyne Ferron, sur justement l'organisation de la vie dans cette culture Inca? Machu Picchu nous renseigne sur la vie d'une élite. Ouais. Contrairement à des ruines de villages un petit peu en contrebas qu'on a aussi fouillées, qui, eux, vont justement parler un peu plus de ce qu'on vient d'entendre dans l'extrait, des paysans qui sont vraiment sous supervision pour l'agriculture, pour tout ce qui permet de faire vivre l'Empire. Parce que c'est sûr que comme ce sont des conquêtes qui ont permis de faire l'Empire Inca, il fallait avoir une certaine structure pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rébellion, que les gens connaissent leur place dans la hiérarchie aussi. Et le Machu Picchu, ben, c'est l'élite. C'est la résidence d'été. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est un coup d'œil qu'on a pu, vu les destructions des Espagnols. Et ce que ça nous montre, en fait, c'est que lorsqu'on étudie les squelettes, parce qu'il y a quand même des tombes et tout ça, c'est une résidence, c'est un site habité. On réalise, en fait, que l'empereur est un dieu. Ça, on le sait chez les Incas. Il est le pouvoir suprême et la noblesse qui est autour de lui, bien, c'est des gens qui avaient quand même un mode de vie agréable. C'est des gens qui sont richement parés. C'est des gens qui ont une très bonne alimentation. Basé sur le maïs, beaucoup, parce que le maïs est considéré chez les Incas, s'il y a des petites différences avec les Aztèques et les Mayas, vraiment considéré comme la nourriture des nobles. Ouais. Alors, c'est pas pour rien que les terrasses servent beaucoup à la culture du maïs au Machu Picchu. Et on a trouvé beaucoup de tombeaux de serviteurs qui étaient bien nourris, ils n'avaient pas trop souffert de gros travaux lourds et tout ça. C'est là qu'on a réalisé que le Machu Picchu, les gens qui y habitaient sur place, c'est un peu comme quand des gens riches ont une maison à Nice et qu'ils y vont juste l'été, bien, il y a quelqu'un qui entretient cette maison-là pendant le reste de l'année. Ouais, et c'est ça qu'on a réalisé. C'est qu'il y avait une équipe de serviteurs qui était là à l'année. Et quand on recevait le message que l'empereur venait visiter avec la cour, comme on aurait pu le faire dans un palais d'Henri VIII, et bien là, ces gens-là préparaient les résidences, préparaient la nourriture. Et là, le site se mettait à vivre beaucoup plus. Alors, la vie quotidienne du paysan ou du maçon et tout ça se trouvait en contrebas dans les petits villages qui se trouvent tout près de la montagne. Quand, parce qu'il sera abandonné, ce site-là, quand et pourquoi abandonne-t-on Machu Picchu? Il a été abandonné au 16e siècle, on le sait, avec la conquête espagnole, même si les Espagnols n'ont pas atteint le site. Est-ce qu'il y avait encore une raison d'être au Machu Picchu? Ça fait partie des théories les plus récentes en ce sens où, comme les Espagnols vont vraiment faire une conquête massive, les Incas avaient déjà des problèmes avant l'arrivée des Espagnols. Ils avaient déjà eu des problèmes avec la variole, apportée quand même par des Européens qui visitaient la région. Ils avaient eu aussi des problèmes de guerre civile à l'intérieur même de leur empire. Donc, quand les Espagnols sont arrivés, l'Empire Inca était déjà affaibli à cet égard-là. Alors, on n'a pas le temps d'aller dans une résidence d'été pour un empereur comme Atahualpa, qui est le dernier empereur Inca, quand on doit gérer des guerres civiles. Ça devient un peu futile, là, tout ça. Voilà. Ouais. Et qu'on a des étrangers qui viennent attaquer tous nos sites. Donc, le Machu Picchu semble avoir été abandonné tout simplement parce qu'il n'y avait plus personne de l'élite, parce que ça leur était réservé pour l'habiter. Ouais. Et c'est ce qui l'a probablement protégé des Espagnols aussi, parce que personne ne s'y rendait. Ouais. Il va donc tomber dans l'oubli pendant des siècles, ce Machu Picchu. C'est en 1911 qu'on redécouvre Machu Picchu à nouveau, Charles Tisser. Un lieu d'une beauté exceptionnelle. Machu Picchu. Une cité aussi ancienne que mystérieuse. accroché à plus de 2400 mètres d'altitude dans les Andes du sud du Pérou. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO a été découvert il y a 100 ans. Le 24 juillet 1911, un jeune professeur d'histoire de 35 ans a fait l'une des découvertes archéologiques les plus spectaculaires de l'ère moderne. Hiram Bingham, de l'Université Yale dans le Connecticut, était un passionné des Incas, cette civilisation présente dans tout l'ouest de l'Amérique du Sud, du 13e siècle jusqu'à la conquête espagnole. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Les auditeurs reconnaîtront peut-être ce clin d'œil, Simon and Garfunkel qu'on entend. C'est donc l'Américain Hiram Bingham qui redécouvre Machu Picchu et Evelyn Ferron en 1911. Un mot d'abord sur le bonhomme. Qui est-il? Il est natif d'Honolulu, donc il vient d'Hawaï et il va avoir un intérêt quand même assez jeune pour les études. Il vient d'une famille relativement aisée aussi. Et il va rapidement donc venir faire ses études universitaires aux États-Unis. Il va se promener dans plusieurs universités pour terminer ses études doctorale à Yale. Et quand il commence ce qu'on peut appeler l'équivalent d'un bac en histoire, ben automatiquement, son intérêt, c'est pour les études sud-américaines qui sont assez nouvelles. Il y a un peu d'études, on essaie de comprendre un peu l'histoire de l'Amérique du Sud, l'histoire aussi de l'Amérique centrale, et d'essayer de comprendre les sociétés précolombiennes, il n'y a pratiquement rien là-dessus. Ouais. Alors, c'est vraiment c'est un laboratoire à l'Université de Yale, ses études sur l'Amérique du Sud, et lui, ça le fascine, ça l'intéresse, et c'est pour ça qu'il prend ce chemin-là. Et ça va lui donner la chance, après ses études doctorales, de pouvoir être chargé de cours et de pouvoir commencer à enseigner ce qu'il a appris sur les sociétés précolombiennes. Il essaie de s'intéresser aux langues, il essaie de s'intéresser surtout aux objets, parce qu'on connaît la plupart de ces civilisations-là par les objets. Et les Incas, ben, ça a été dit tout à l'heure dans les extraits qu'on a diffusés, contrairement aux Mayas et aux Aztèques, n'ont pas laissé d'écriture. Leur seul système comptable pour l'ingénierie, c'est les fameux quipus, qui sont ces espèces de systèmes de cordes qui leur permettaient de faire des calculs un peu comme un boulier, mais qu'on comprend très mal. Donc, il va vraiment essayer, avec les moyens de l'époque, de comprendre un peu quelles étaient les civilisations, est-ce qu'il y en avait plusieurs, comment elles vivaient. Et c'est sûr qu'à un moment donné, il va vouloir explorer pour enrichir ses connaissances. Est-ce qu'il sait, comment sait-il, s'il le sait, mais qu'il existe une espèce de cité perdue, une espèce de cité secrète, Inca? Les témoignages espagnols. Alors, c'est sûr qu'à l'époque, on se base beaucoup sur les témoignages des conquistadors et surtout des moines espagnols qui vont être les premiers à assimiler les populations locales après la conquête. Il y a plusieurs prêtres, frères et moines qui ont laissé des témoignages, entre autres le père Cobo qui a vécu au 16e siècle, qui a laissé des témoignages. Lui, il voulait comprendre, en fait, les descendants des Incas. Mm-hmm. Et il a laissé des témoignages écrits assez intéressants à cet égard-là. Et on parle, dans les écrits espagnols, d'une cité qu'on n'a pas vue, qui aurait été une cité d'or, magnifique, ou des vierges. On a entendu ça au début de l'extrait, et c'était très drôle de voir que dans les années 70, on y croyait encore. On disait qu'il y avait des vierges destinées au soleil qui vivait dans une cité cachée, perdue en or, qui s'appelait Vilcabamba. Mmh. Et c'est ce que veut trouver Hiram Bingham. Lorsqu'il lit les textes espagnols, il se dit, il y a moyen de retrouver cette cité-là. Les populations locales qui parlent le Quechua connaissent des sites que nous, on ne connaît pas. Alors, il veut financer ce voyage. Il a une épouse fortunée. Alors, c'est elle qui va financer, finalement, ce voyage à l'été 1911. Donc, et au fond, il ne va pas découvrir la cité qu'il cherche. Il va découvrir autre chose. Mmh. Il l'apprendra. Pas tout de suite, d'ailleurs. Il pense qu'il découvre cette fameuse cité perdue. Très, très concrètement, en quelques secondes, mais comment ça s'organise? Comment il se retrouve? Encore une fois, il faut la trouver. Faut le trouver, ce site à 2400 mètres. Comment il réussit à arriver à Machu Picchu? Il fait appel aux populations locales. Il va avoir des guides qui connaissent le site parce qu'il y a cette idée qu'il y a des gens qui visitent une montagne où il y a des vieilles ruines. Alors là, ça l'intrigue parce que s'il y a des vieilles ruines en hauteur, j'ai peut-être un site Inca. Et si c'est en hauteur, les Espagnols n'étaient pas des bons grimpeurs. Probablement que c'est la cité que je cherche. Alors, grâce aux populations locales, on va lui montrer le chemin en pleine jungle. Et il va commencer à voir des ruines de petits villages et tout ça. Il regarde les pierres, il dit « Ah, c'est intéressant. » Il va prendre les fameux chemins que les descendants des Incas prenaient encore dans la montagne. Et c'est comme ça que le 24 juillet 1911, il arrive dans la jungle. Alors, qu'est-ce qu'il voit? On en a une petite idée, là, mais le bonheur qu'il a, c'est très rare. Une différence, c'est qu'il arrive et puis il va prendre des photos de ça. Oui. Ça, c'est encore plus rare, mais il arrive devant un site... Inviolé. Et un site complet, donc c'est pas juste un tombeau, c'est un site complet, c'est une ville. Ouais. C'est sûr que, justement, ça vaut la peine pour les auditeurs d'aller voir les photos d'Hiram Bingham parce que la vision qu'il avait du Machu Picchu n'est plus celle d'aujourd'hui puisque les bâtiments ont été restaurés, tout est nettoyé, il y a plus justement de jungle qui envahit le site, mais il va prendre des photos et ça, c'est particulier dans l'histoire. C'est la première fois qu'un site archéologique est photographié alors qu'aucun travaux qui a été fait dessus, alors qu'il est tel qu'on le voit lorsqu'on arrive. Il a amené son appareil photo, il fait ça, il le documente, 23 volumes quand même, de documentation qu'il va produire sur cette découverte-là. Et ce qu'il voit, donc, c'est des bâtiments de granit, oui, recouverts de végétation. Il voit ça un peu perché sur la montagne, caché un peu partout. Et là, ben, comme c'est plein de végétation, il comprend qu'il n'y a rien qui a été touché. Et il va au moins avoir cette décence, avant que l'archéologie soit vraiment une science, de photographier tout ça, avant de se mettre à faire des fouilles, par contre. Parce que là, il va produire un article pour la National Geographic. L'intérêt... aussitôt qu'on voit les premières photographies, cet article-là va créer un mouvement énorme, un peu comme la découverte de la tombe de Toutankhamon. Là, les gens veulent comprendre ce que c'est. On veut plus d'informations. Lui, il dit qu'il a trouvé la cité perdue de Vilcabamba. Il va le prouver. Alors là, la National Geographic finance, elle aussi, des fouilles archéologiques qui vont lui permettre de découvrir une centaine de tombes, d'étudier les ossements et de sortir... On parle de 40 000 objets du site. Donc, il y a des gens qui ont carrément parlé de Bingham. Ça nous amène à parler de son importance dans l'histoire. Mais oui, découverte importante, mais certains critiques vont dire que c'est un pilleur aussi. Oh, c'est, oui! 40 000 objets en or, des tissus, des squelettes sont ramenés par Bingham à l'Université de Yale. C'est énorme ce qui est sorti du site aujourd'hui. Quand les gens y vont, il n'y a plus rien qui est là. En 2007, il y a eu une entente, en fait, entre le gouvernement péruvien et l'Université de Yale pour que graduellement, une partie ces objets-là retournent au Pérou. C'est le patrimoine du Pérou, c'est le patrimoine Inca et il se trouve aux États-Unis. Et l'Université de Yale a dû reconnaître qu'à l'époque, on ne considérait pas ça comme grave, tout le monde le faisait, mais que ça on avait dépouillé le Pérou de son histoire en faisant ça, bien sûr. Il est un pilleur, mais peut-être pas si volontaire que ça, parce que c'était une façon de faire au début du 20e siècle. Ça se compare comment cette découverte-là, au fond, encore une fois, pour comprendre l'importance que lui aura, Bingham, et l'importance de cette découverte-là, il y en a eu d'autres découvertes, on pense à l'Antiquité, quel est le poids de cette découverte dans l'histoire des découvertes? Je vais le comparer à la tombe de Toutankhamon aussi, parce que grâce à lui, il va amener la fascination pour les sociétés précolombiennes et il va amener les universités américaines qui ont toujours vu un peu l'Amérique du Sud, le Mexique comme étant inférieure, à considérer qu'il y a eu des civilisations avant les Européens et avant les Amérindiens qui ont fait des choses grandioses et exceptionnelles. Donc, il est un peu à l'origine d'un début d'études archéologiques et historiques beaucoup plus poussé, beaucoup plus scientifique pour enfin comprendre les sociétés précolombiennes. Et là, ce n'est pas juste les Incas. Ça va amener un intérêt pour les Mayas, pour les Aztèques et toutes sortes de populations comme les Moches, donc qui ont été là avant les Incas. Donc, il a donné naissance à tout ça. Donc, son impact pour les études historiques et archéologiques de toute l'histoire d'Amérique du Sud est énorme. Ouais. Et puis, le défi aujourd'hui pour les Péruviens, c'est ce fameux contrôle et trouver l'équilibre parce qu'il y a un intérêt touristique énorme, mais il faut préserver ce site-là. Et ça, c'est l'objet probablement d'une autre émission. Évelyne Ferron, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.